Henri de Toulouse-Lautrec par Gustave Coquiot. La forte expression du damier, il faut être de son temps, eut pour Lautrec tout son sens. Comme hier, Constantin Guy, Lautrec reste en effet le peintre le plus véridique et le plus singulier de toute une époque, que l'on peut assurément appeler l'époque du plus grand Montmartre, donc du plus grand Paris. Car si l'on en croit Salis, Montmartre était alors ni plus ni moins que le cerveau de la France, que dis-je, le cerveau du monde. Il n'est point de nom de peintre plus populaire que celui de Lautrec dans ce coin de Paris qui flamboie de la place Clichy à la place Pigalle. Car ces filles, par exemple, qui passent, mais ce sont précisément celles que Lautrec a dessinées. À peine le chapeau et la pelure diffèrent, mêmes yeux agrandis et mêmes lèvres trop rouges, il les a marquées pour longtemps. Aussi, que de fois, dans les cafés de Montmartre, à l'heure de l'apéritif, on entend ce nom Lautrec, c'est qu'il évoque bien pour les assidus tout un Montmartre brillant, tout le passé d'un Paris singulièrement ardent, et est vraiment alors en fatigue. Selon une forte expression vulgaire, Lautrec eut tout de suite dans le sang Montmartre. Ce quartier, au cours de sa brève vie, il ne le quitta guère que pour quelques mois d'été. Montmartre, terre promise. Oui, ce nouveau Canaan lui offrit tout ce qu'il chérissait, des gens pittoresques, et une excessive liberté de mœurs. Cette terre promise, ce cloaque, plutôt où fourmillaient toutes les vermines, l'avait envoûté. Et ce qu'il y avait à y découvrir? Il existait cependant d'autres peintres déjà à Montmartre. Les cafés, les brasseries en regorgeaient même à l'heure de l'absinthe, et des gens de génie, sans doute, à les entendre vociférer en frappant de grands coups de poing les tables. Comment tous ces tapissiers n'avaient-ils pas vu l'éclat, l'inédit, le bizarre de tout ce qui les entourait? Comment tous avaient-ils pu passer sans un regard près de tant de choses extraordinaires? Car c'était alors un Montmartre terriblement vivant et loufoque. De la boîte à Salis à l'âne rouge, du clou au divan japonais, une cohue de nigauds allait, venait, pirouettait et se renouvelait. Les balles foisonnaient et pompaient toute la jeunesse des boutiques. On s'entassait. On s'écrasait chez Sarrazin, et s'il y eut jamais un être comique, un drôle de corps, ce fut bien ce petit homme brun, porteur d'un éternel pince-nez et ex-marchand de livres. Je l'évoque en cette minute, et je me souviens que ce loufia à figure de comptable disait des vers et avait surtout une peur affreuse de la police. Quand, dans son sous-sol, installé sans confortable, on criait trop fort, Sarrazin, la voix sourde, les mains en avant se précipitaient. « Messieurs, messieurs, je vous en prie, la police !» À quoi la noble assemblée hurlait davantage et le taffeur battait en retraite. Il draina beaucoup d'argent dans son locati, mais un jour il s'en laissa compter. Il voulut changer, embellir sa tôle et simplement, ce fut la faillite. Montmartre n'aime pas le luxe. Et c'est pourquoi, à côté de l'orgueilleux moulin rouge, le moulin de la galette prospérait, quoique délabré. Toutes les gamines de la butte y proposaient leurs sécapas et leurs impudeurs naïves, près des grandes sœurs collées aux accroche-cœurs des beaux julots. On y buvait du vin dans des saladiers et l'on payait les danses. C'était un bouge fumeux, étonnant et rare. Mais les peintres de Montmartre ne le voyaient pas et ce fut Lautrec qui nous le magnifia. Il travaillait avec un entrain régulier, même au café de la Place Blanche et au Ramor, perdu dans un tumulte, il paraffait sans cesse des types, avec quelques indications du crayon et du pouce, de ce mouvement répété en touche, si amusant pour ceux qui l'ont vu faire. Et c'était toujours une suite de croquis caractéristiques et, comme on dit familièrement, très ressemblants. Du reste, sa mémoire des formes, des tares particulières à chaque individu observé, fût-ce un instant, était non moins surprenante. Souvent, par exemple, il lui arrivait de vous demander « Quel est le nom du type qui nous a parlé l'autre jour au moulin? Et si l'on cherchait, si l'on questionnait, comment est-il? Vite, d'un coup de crayon, avec quelques traits, écrasés ici, affermis là, il campait irrésistiblement le bonhomme, vous faisant crier « Mais c'est un tel !» Bientôt, tout Montmartre connut Lautrec. Outre que son physique le singularisait, il rôdait avec une curiosité insatiable, si bien qu'on le voyait à peu près partout avec ses camarades, les peintres Charles Morin, Guenaud et Zondo Meneghi. Sa mise était correcte, jamais excentrique, Il y avait du reste un tas de choses très ordonnées en lui. Je puis dire que si vers la fin de sa vie, il devint bohème, c'est qu'il y fut contraint par les circonstances mêmes d'une existence très agitée, car il eut longtemps des goûts d'intérieur très bourgeois. Ses amis se souviennent de ce Lautrec-là, très ponctuel quand il allait à l'imprimerie pour le tirage de ses lithographies, très exact aussi pour tous ses autres rendez-vous. Tristan Bernard, qui fut, avec le sculpteur Carabin, son ami le plus fidèle, lui a consacré un jour ce portrait peu connu, que ce grand petit homme était un individu prodigieux. Quand, si jeune encore, il nous a quittés, quelqu'un dit que ce n'était pas une mort, et que cet étrange Lautrec était simplement rendu au monde surnaturel. Depuis qu'il a disparu, et que nous ne pouvons plus fréquenter que son souvenir que nous arrivons à fixer, avec qui nous nous familiarisons, nous connaissons mieux cet homme admirable. Nous découvrons maintenant que Lautrec ne nous paraissait surnaturel que parce qu'il était naturel à l'extrême. C'était vraiment un être libre, mais il n'y avait aucun parti pris dans son indépendance. Il ne méprisait pas les idées toutes faites, il n'en subissait en aucune façon l'autorité. Mais le dédain qu'il avait pour elle était si peu systématique qu'il lui arrivait très bien d'en adopter une à l'occasion, si elle lui avait semblé justifiée. Les opinions de ce véritable indépendant pouvaient fort bien se rencontrer, par le fait du hasard, avec celles de tout le monde. C'était parce qu'il suivait son libre chemin qu'il se trouvait inopinément sur la promenade publique, où il n'était attiré par aucune habitude sociale ni par l'heure de la musique. C'était surtout dans le choix de ses plaisirs que se décelait son originalité, c'est-à-dire son indépendance. Nulle part, en effet, le despotisme social n'est si rigoureux que sur le chapitre des distractions. Que les hommes, pour penser, se conforment au règlement général, ils n'importent guère, car ils ne pensent pas énormément. Mais ils ont si peu le droit de s'amuser à leur guise, même de la façon la plus innocente, que nous sommes tout honteux d'un divertissement qui n'est pas sur la liste consacrée. Théâtre, courses, dîner au restaurant, promenade en automobile, ébats sentimentaux, bridge et visite des musées. Une nuit, après un souper copieux, j'ai recueilli la confession d'un ami qui, le rouge au front, m'avoua que sa plus chère distraction était de lire le bottin de l'étranger, et qu'il n'arrivait pas à se coucher le soir sans avoir noté la population d'un certain nombre de villes d'Amérique et l'altitude de quelques sommets. Les collectionneurs sont un objet de dérision pour ceux qui ne sont pas des collectionneurs. Ils ne se réhabilitent qu'à l'hôtel Drouot quand leur vente atteint un beau total. Pour ceux qui choisissent leur plaisir en dehors du programme approuvé, nous avons des termes de mépris tout faits. Ce sont des maniaques ou des êtres puérils. J'aime beaucoup, pour ma part, les gens qui font preuve de puérilité, parce que ce mot signifie pour moi ingénuité et liberté. Lautrec, lui, s'amusait dans la vie avec la liberté souveraine d'un petit garçon dans un square. Il était notre bout en train, tyrannique comme ses organisateurs de 8 ans, qui autour des pelouses inventent et dirigent des jeux. Un jour, il avait l'idée de jouer au barman. Il installait un comptoir dans l'appartement d'un ami, endossait une veste blanche, et toute la soirée, nous offrait impérieusement des consommations anglaises de son experte fabrication. Je vous le dis, ce petit homme était le maître du bord et ne suivait que sa loi. Si l'on adopte la fameuse définition « l'art et la nature » vue à travers un tempérament, on a cette garantie que le tempérament de Lautrec était vraiment libre. L'œuvre la moins importante de Lautrec, c'est encore un enchantement. Dès l'instant qu'il posséda son originalité, il surclassa tous les autres peintres. Nul n'est plus merveilleux. Je ne vise que les peintres de ce temps, de notre temps. Personne n'eut surtout à un tel degré une telle grandeur de style. C'est une gageure déconcertante, absurde. Comment ? Voici un peintre qui entre, par exemple, dans des maisons closes et qui peut réaliser des tableaux plus distingués que tous ceux que l'on voit ailleurs, autour de soi. Ce n'est même pas familial, simple, sentimental, comme tout ce qui se passe dans les maisons Tellier et Philibert. C'est quelque chose de plus, de beaucoup plus, c'est très noble. Tel de ces tableaux-là ne le cède point au plus beau Degas, et encore, Degas n'a jamais mis en œuvre cette noblesse d'interprétation dont Lautrec put être, à juste titre, très orgueilleux. Toutes les femmes peintes par Degas, le misogyne, sont des créatures simiesques ou batraciennes, aux hideuses faces. Lautrec a vu des femmes encore plus accablées par d'inexorables tâches, mais il s'est chaque fois ressaisi, et toutes ses œuvres, en ce sens, témoignent de sa haute pitié. C'est que Lautrec a beaucoup aimé la vie, et il l'a recherchée partout, dans la rue, au cirque, dans les bars et dans les coulisses des théâtres. Peintre émerveillé de la vie moderne, il a été plus inquiet, plus désireux de toucher à tout que quiconque. Celui-ci s'est spécialisé dans les danseuses. Celui-là a trouvé une renommée en débusquant sans relâche les filles. Mais Lautrec, que n'a-t-il pas dessiné? Danseuses, filles, chevaux de course, numéros de cirque, cabotins, voitures, etc. Il a tout interprété avec une force singulière et avec un talent sans égal. Ses tableaux, ses dessins, aujourd'hui, forment une œuvre historique et déjà classique. Oui, il est bien le peintre de toute une époque. Ses œuvres doivent toujours monter. Comme on dit en argot de salle des ventes, elles se classent, avec celles de Degas et de Forain, telles que de grandes œuvres représentatives et caractéristiques. Sans doute, certains autres peintres auront également voix au chapitre, dans le concile qu'organiseront plus tard les collectionneurs, quand il s'agira d'établir le bilan pictural de notre temps. Mais, parmi les peintres de mœurs, qui ne fera pas la plus belle place à Henri de Toulouse-Lautrec? La nature, qui le supplicia physiquement, le doua en revanche des plus enviables qualités morales. Il était généreux, sans calcul. Et tout le passionnait. C'est pourquoi il a fait, par exemple, de simples portraits d'enfants ou de buveurs, exécutés avec une conscience infinie et avec un entrain merveilleux. Il n'eût pas mieux travaillé, certes, pour le roi de Prusse ou pour un milliardaire d'outre-Atlantique. Je sais bien même que ses modèles habituels, les filles, trouvèrent d'emblée la plus large place dans son cœur. Et cela et tout le reste est si visible qu'il serait vain d'expliquer ici, selon le mode habituel, les œuvres de Lautrec. Les considérer, les comprendre soi-même avec sa propre tournure d'esprit, cela est préférable. Ses peintures sont d'ailleurs si éloquentes, d'un dessin si personnel, si fortement significatif, que tous les artifices d'écriture, pour les commenter prolixement, sont négligeables. Il n'y a pas ici des anecdotes historiques à raconter, des rébus à expliquer. C'est de la vie transposée par un véritable maître, beaucoup de vie, toute la vie. Il suffit de regarder, de méditer. Et l'on comprend comment Lautrec est grand au milieu des plus grands. Le Moulin Rouge, qui succédait au bal de la Reine Blanche, était réservé à la glorification totale du peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Entré là, il allait trouver bien des tares physiques parmi ses hommes et parmi ses filles. Les bals achalandés ne sont pas des haras. Aucune sélection n'y est imposée. Aussi, lui, il y évoluerait également à l'aise. Et n'ayant point motif d'être taciturne, il pourrait méditer de grandes œuvres expressives et neuves. Les ailes rouges du moulin tournaient tous les soirs. Elles accrochaient bien, en passant son pauvre cœur, pour le jeter, comme les bonnets, par-dessus Paris, par-dessus sa vie. Elle date de cette époque, l'idée que Montmartre est, de tout Paris, le seul endroit où l'on s'amuse. Il n'y avait alors cependant aucun de ces restaurants de nuit qui aujourd'hui flambent de toute la liesse des viveurs. Roybet, en effet, s'essayait à peindre là où se trouve maintenant l'abbaye de Thélème. Et Puvis de Chavannes et Henner, devant la basque Pigalle, restaient cloîtrés dans leurs ateliers silencieux. Il n'y avait non plus aucune de ces niaises attractions qui, du ciel, tombent au néant. Bruant et le Moulin Rouge sur le boulevard, c'était tout et c'était assez. Zidler, au Moulin Rouge, s'était révélé tel qu'un prestigieux organisateur. On célébrait sa salle de bal, édifiée comme une gare norvégienne et pavoisée de multicolores oriflammes. Mais quel bal qui emportait tout! Et un orchestre ravageur et tapageur, et surtout, les trois grandes vedettes, le triomphal gala des jambes, Valentin le désossé, la goulue et la mélinite. Ah, ces curieuses et épileptiques sauterelles! Quel extravagant trio! Au demeurant, ce Valentin le désossé était un pacifique roquentin qui, le soir, se transformait en un prodigieux danseur. Grand, maigre à s'enrouler autour d'un bec de gaz, n'ayant pas d'âge, 35 ans ou tout aussi bien 55, rasé, étriqué et monté certainement sur ressort, il avait des jambes et des bras qui défiaient la caricature elle-même. Il tenait de la sarigue et du singe. Et quelle trompe! Mais ce dégingandé balçait vraiment avec une cadence et un rythme incroyable. Ses grands pieds tournaient, remontaient, toujours dans le même angle. Ses pieds étaient d'inouïs automates. Aussi, comme on l'admirait, il était l'empereur de la valse et du quadri. Il érigeait, sous la lumière des globes, la couronne d'Austerlitz. Il avait deux rivales, la Goulue et la Mélinite. La première était une fille étrange, à la face d'empeigne, au profil d'oiseau de proie, à la bouche torve, aux yeux durs. Elle dansait sèchement, avec des gestes nets. On racontait toutes sortes d'histoires sur son compte, aussi qu'elle cohut autour de ses ébats, quand, retenant à plein point son linge, elle pirouettait une jambe à la hauteur de son nez. La Mélinite, on l'appelait aussi Jeanne Avril. C'était tout un contraste, car elle se présentait, celle-ci, gracile et souple, délicate et amenuisée même. Son visage, pincé et doux, faisait songer à une souris. Elle était si invraisemblablement maigre et déliée qu'elle pouvait se ployer jusqu'à balayer de ses épaules le parquet. Tous les soirs, ces trois vedettes achalandaient le bal. Au quadri, on les entourait, un danseur faisant le quatrième, et on les reniflait. Quelle foule exceptionnelle comme fumier humain! Une brume flottait et noyait les visages. On ne voyait bientôt plus que le blanc des linges. Des habitués haletants à leur place ne bougeaient jamais. C'étaient des rentiers du quartier, des gens de course et de bourse, des formants de café. Les danseuses se multipliaient. Elles s'évertuaient à s'asseoir en arc, à décrocher les globes ou à jeter sur leur croupe offerte le paquet de leurs dessous. Et la cage s'emplissait toujours. Bientôt elle fumait. Quand on arrivait là-dedans de sang-froid, on restait figé, les joues moites. C'était déborant et c'était unique. Pour exprimer cela, picturalement, on devinait la nécessité d'un apport spécial, un dessin fourrageur et des couleurs de fosse. Lautrec vint avec tout cela. Il fit ses tableaux de bal dans tout leur excessif intérêt. C'est qu'il en attendait la révélation, assis et méditant devant une table qui lui était réservée et au milieu des danseuses et des danseurs. Car il ne les oublia point, non plus, ces jeunes Oscars, qui avaient pour tâche de battre des ailes de pigeon pendant les repas de la Goulue et de la Mélinite. Et vous les apercevez en nombre, ces greluchons, dans toutes les œuvres de ce moment-là, avec leurs faces si caractéristiques, sous la cape melon ou sous le bas haut de forme, aux ailes en rebord de pot de chambre. Né à Albi, le 24 novembre 1864, Henri de Toulouse-Lautrec, fils du comte Alphonse de Toulouse-Lautrec, Montfa, et de la comtesse, née Adèle Tapier de Céléran, mourut le 9 septembre 1901 au château de Malromé, situé dans le département de la Gironde. Élève de l'atelier Cormon, il avait commencé par peindre les tableaux de la manière de John Lewis Brown. On peut rappeler ce détail en songeant à ses aboutissants fameux, les lithographies et le quadri au Moulin Rouge. Ainsi s'achève Henri de Toulouse-Lautrec par Gustave Coquiot.